ceci d'après-midi. Tu es venu avant que je ne t'attende pas. Amélie, nous avons dansé sous la pluie. Les années 40, René Char était au maquis. Paul Claudel dans un château sans savoir. Aujourd'hui, toujours résister. Tam tam sur le kidam à Paname. Je vois les jours et les nuits et les nuits et les jours dans un cœur qui se bat. Noir, noir dans le décor, gris dans ce ciel d'après-midi. Tu es venu alors que je ne t'attendais pas. En midi, nous avons dansé sous la pluie. Les années 50, les bouchers de la Villette taillaient des filets transvales et portaient à leur corps des carcasses mortes. Tom tom sur le kilomètre des femmes, je vois la vie et la mort et la vie et la mort dans un corps qui se bat. Noir, noir dans le décor, gris dans ce ciel d'après-midi. Tu es venu alors que je ne t'attendais pas. Amélie, nous avons dansé sous la pluie. Dans les années 60, la mode était anglo-saxonne. Les chanteurs d'alors portaient des noms sur le veston. Je vois les jours et les nuits et les nuits et les jours dans un cœur qui se bat. Tam tam, oh qui dam, dam stem dam. Noir dans le décor, gris dans ce ciel d'après-midi. Tu es venu alors que je ne t'attendais plus. À midi, nous avons dansé sous la pluie. Dans les années 50, 60 et 70, 80 et 90, en l'an 2000, je vois les jours et les nuits et les nuits et les jours et la vie et la mort et la vie dans un cœur qui se bat. Tam tam sur le qui dam de la vie. Oh, oh, no.